Marco Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici tout de suite le sommaire. La pénurie des produits pétroliers observée au Burundi s'explique par le manque de devises et les procédures d'importation. Un argument de la ministre du Commerce, loin de convaincre le président du Sénat devant les élus du peuple ce mercredi lors des questions orales. Le Burundi et le Royaume de Belgique ont signé ce mercredi une convention spécifique d'un montant de 150 millions d'euros pour financer des projets dans 5 secteurs prioritaires et cela sur 5 ans. Et plus d'un million de Congolais vivant au Burundi n'ont finalement pas pu se rendre chez eux pour participer aux élections présidentielles et législatives de ce mercredi en République démocratique du Congo. Ils étaient massés à la frontière depuis tôt ce mercredi matin. L'ambassade de la RDC à Bujumbura avait facilité leur déplacement. Notre correspondant à Uvira nous dira que néanmoins, le scrutin a eu lieu sans incident majeur. Voilà pour le sommaire. Le développement de ces titres. Le manque de devises et les procédures d'importation justifient la pénurie des produits pétroliers au Burundi. C'est la réponse donnée par le ministre en charge du commerce, Marie-Chantal Nijimbere, lors des questions orales des sénateurs. Ce mercredi, les sénateurs ont voulu savoir ce que prévoit le gouvernement pour vider cette question. Les détails avec Jean-Marie Mayonga. Lors de cette séance, les sénateurs ont voulu savoir ce que le gouvernement fait pour résoudre le problème répétitif du manque du carburant. Le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Aguera, se demande comment le ministre a pu se déplacer vers Gitega dans cette période où on observe une pénurie criante du carburant. Marie-Chantal Nijimbere, ministre du Commerce et des Transports, explique que le manque de devises et les procédures de logistique sont les principales causes de cette pénurie du carburant au Burundi. Le ministre n'a pas refusé que ce manque du carburant se répercute sur d'autres produits, sans oublier le moyen de déplacement des citoyens. Elle a également précisé que même la quantité disponible ne peut pas être servie pour tous ceux qui en ont besoin. Cette réponse n'a pas été convaincante au président du Sénat, qui a voulu savoir comment les autres pays de la région ont fait pour vider le problème du manque du carburant. Il a invité le ministre de se mettre ensemble avec les autres ministres pour trouver une solution durable qui va vider cette question du manque du carburant. La pénurie des produits pétroliers au Burundi, qui se répète, est devenue un problème sérieux qui a touché tous les domaines, sans oublier la vie des citoyens. Signature ce mercredi d'une convention spécifique entre le Burundi et le Royaume de Belgique pour un montant de 150 millions d'euros sur 5 ans. 5 secteurs prioritaires dont la santé et l'éducation post-fondamentale et les systèmes alimentaires durables ont été identifiés et la convention concerne les provinces Cibitoke et Kirundo. L'ambassadeur de la Belgique, Michael Wimmer, a indiqué à la presse que cela témoigne de la volonté de la Belgique de rester engagée au Burundi. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. C'est la première fois en 13 ans que le Burundi et la Belgique signent ensemble un programme de coopération bilatérale. J'insiste sur cette collaboration, c'est une fierté pour nous, car comme on le dit si bien le dicton en Kirundi, Omutwe, Omwe, Tiwigara et Nama, pour le dire que le travail de groupe est plus efficace. Ensemble, main dans la main, nos deux pays ont co-créé, co-construit un programme ambitieux. La signature de cette convention spécifique aujourd'hui marque un nouveau chapitre dans les relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous sommes optimistes quant à l'impact positif qu'il aura sur nos objectifs communs. La coopération belge au Burundi dans les 5 prochaines années, c'est donc 2024-2028, c'est 150 millions d'euros, dont la moitié en aide bilatérale. C'est important parce que ça permet de canaliser une grande partie par le gouvernement burundais et donc selon les priorités du gouvernement burundais. Ce programme viendra en appui aux autorités dans la mise en œuvre des stratégies en matière de santé, d'éducation post-fondamentale, de formation et d'insertion professionnelle dans une économie plus verte et circulaire et de systèmes agroalimentaires durables, tout en contribuant à la bonne gouvernance et visant une bonne participation citoyenne. Le programme que nous signons aujourd'hui est divisé en 4 piliers. Un accès aux services sociaux de base, soins de santé et éducation de qualité pour tous. Un meilleur accès à des emplois en misant sur le travail décent dans une économie verte à travers la création de près de 7000 emplois. L'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le respect de l'environnement, Nous souhaitons appuyer 15 000 ménages vers la transition agroécologique et le renforcement des capacités des autorités dans la gouvernance à travers l'appui dans l'élaboration de 2 budgets programmes sectoriels et 5 budgets programmes communaux et le renforcement des capacités de la société civile afin de renforcer la participation citoyenne. Michael Wimmer, ambassadeur de Belgique au Burundi. Des habitants des collines Rukana de Rusenyi et Rutshatsha en commune Rugombo apprécient positivement l'alimentation en eau potable dont ils ont bénéficié de la part de la régie communale de l'eau. Ils indiquent qu'ils utilisaient de l'eau de la rivière Ruwa et qu'ils étaient exposés aux maladies des mains sales. Nzikwinghunda Léonce, président de la régie communale de l'eau, dit qu'en collaboration avec la plateforme nationale de gestion des catastrophes, ils sont en train de faire des extensions de l'eau potable dans cette commune. Reportage, Lydie Gahimbare. Ces habitants déplorent des conséquences liées à l'utilisation de l'eau de la rivière Ruwa. Porter des habits de la couleur blanche pour eux est impossible car ça change de la couleur suite à l'eau qui est souillée. Vénéranda Karimu Mugango, une femme de la colline Rukana 2, fait savoir que ses enfants sont souvent attaqués par des maladies comme des verminoses et le choléra pour le moment. Elle apprécie l'alimentation en eau potable sur sa colline. Léonce Ndikwinghunda, président du comité de la régie communale à Rugombo, affirme que cette commune connaît un défi de l'eau potable. Nous avons un défi de manque de la quantité insuffisante de l'eau potable en commune Rugombo. Nous avons aussi quelques collines qui n'ont pas même de l'eau potable, notamment Rukana 2, Musenyi, Gichacha, Gabiro Vyagira et Rukana 1. Les défis sont nombreux ici en commune Rugombo. Nous avons les cas de pandémie de choléra qui s'observent surtout dans les collines qui n'ont pas d'eau potable, surtout sur la colline Rukana 1. Il indique que la régie de Rugombo est en train de faire l'extension en eau potable sur les collines Rukana 2, Rutshatsha et Rusenyi. Ce que la régie communale est en train de faire en collaboration avec la commune, nous avons procédé à l'extension de la EP Zivira Rukana pour servir les collines Munika 1, Munika 2, Marambo 1 et Marambo 2. Les habitants de ces collines demandent que l'extension soit rapide afin d'éviter des maladies liées aux mains sales. Lydie Gahimbare et la cellule 1 du quartier Nyabagere en zone Guirocha de la commune urbaine de Nhangwa ne dispose pas d'électricité depuis samedi de la semaine dernière, selon les habitants de la place. Ces derniers indiquent que les pertes sont énormes dans les bars et restaurants ainsi que d'autres métiers nécessitant le courant électrique. Les habitants de la cellule 1 du quartier Nyabagere demandent à la régie des eaux de venir réparer le réseau électrique tombé en panne. Les détails dans ce reportage d'Evariste Nzikobanyanga. Toutes les activités génératrices de revenus sont au point mort depuis samedi de la semaine dernière dans la cellule 1 du quartier Nyabagere, indiquent les résidents ainsi que ceux qui exercent différentes activités. Ici, on fait le cafétariat, mais le courant électrique n'est plus depuis samedi. Tous les travaux ont été paralysés. Cette coupure électrique est de depuis samedi. Depuis ce jour jusqu'au mercredi, nous n'avons pas cette énergie. Les propriétaires des petits restaurants et des bites de boissons disent enregistrer des pertes énormes et ne gagnent rien alors que leurs familles vivent au quotidien. Les pertes sont énormes. Si on n'est pas en train de travailler, on n'est pas capable de payer les loyers à la fin du mois. Pas de se dire, le lait a été déversé, la viande a été avariée, les téléphones ne fonctionnent pas, faute d'être chargés, nous ne savons pas comment vivre. Nous avons des familles à nourrir, mais nous ne gagnons rien, nous sommes vraiment en difficulté. Vous savez que si quelqu'un n'est pas en train de travailler, les pertes sont énormes. Les habitants de la cellule 1 du quartier Nyabagere disent que cette coupure électrique est due à un réseau alimentant cette localité qui est en panne et demandent à la régie des eaux de venir le réparer pour que la vie puisse reprendre. Évariste Nzikobanyanga, on marque une courte pause et nous poursuivons ce journal avec les nouvelles des provinces. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Plus de 90, Plus de 82 000 enfants de 6 à 59 mois sont attendus dans la province Ebrouri pour recevoir la vitamine A contre la cécité. Plus de 72 000 enfants de 12 à 59 mois sont également attendus pour recevoir l'albendazole contre les vers intestinaux au cours d'une campagne de 4 jours qui débutera ce jeudi. Le gouverneur de la province Ebrouri, le colonel Leonidas Vandenzamaso, de même que le docteur Vénérant Nyambikiye, directeur provincial de la santé, appelle les responsables administratifs à tous les niveaux à sensibiliser les concernés pour la réussite de cette campagne. Zenon Zambimana. Une campagne de supplémentation en vitamine A pour les enfants de 6 à 59 mois et de dépistage à l'albendazole pour ceux de 12 à 59 mois, couplé de dépistage à la malnutrition pour les enfants de 6 à 59 mois, est organisée dans tout le pays à partir de ce jeudi jusqu'à ce dimanche, c'est le docteur provincial de la santé de la province de Ebrouri. Docteur Vénérant fait savoir que dans sa province sanitaire, plus de 82 000 enfants sont attendus pour recevoir la vitamine A contre la cécité et le retard de croissance et plus de 72 000 enfants seront déparasités à l'albendazole au cours de cette campagne. Une campagne qui sera exécutée porte à porte par les agents de santé communautaire. Cela a été dit ce mercredi à Ebrouri. C'était au cours d'une réunion de mobilisation des administrateurs communaux et des chefs de toutes les zones de la province de Ebrouri. Colonel Dasiban Desamas, gouverneur de la province de Ebrouri, de même que docteur Vénérant Nyambikiye, médecin directeur de la province sanitaire de Ebrouri, appelle les administratifs à tous les niveaux à sensibiliser les concernés pour la réussite de cette campagne. Depuis Ebrouri, Zenon Zambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon. Et Marie Chantal Nyonzima a été élu ce mercredi comme nouvel administrateur de la commune Nyabihanga en province de Mwaro. Elle a été élue par 26 membres du conseil communal sur 38 présents à la réunion. Elle remplace Gérard Nizigimana, suspendu depuis bientôt 2 semaines par le ministre de l'Intérieur, après un vote de défiance par le conseil communal de Nyabihanga contre cet administrateur. C'était en novembre dernier. La province Mwaro dispose aujourd'hui de 3 communes dirigées par des dames sur les 6 qu'elle compte. Il s'agit des communes Nyabihanga, Kayokwe et Rusaka. Actualité régionale en province du Sud Kivu, les élections législatives et présidentielles ont eu lieu sans beaucoup d'incidents. Les bureaux ont ouvert dans la plupart des centres à 8h au lieu de 6h. Mais les Congolais vivant au Burundi n'ont pas eu l'autorisation de traverser la frontière entre le Burundi et la RDC, fermée sur ordre des autorités congolaises. Jérémy Kouhima. Initialement prévu de commencer à 6h, c'est surtout vers 8h que bon nombre de centres ont commencé en ville d'Uvira. Tout le matériel nécessaire a été retrouvé au centre, mais des témoins ici des partis politiques étaient nombreux et ne pouvaient pas convenir dans les salles. Ils ont été priés d'entrer à tour de rôle, opposant comme messe de la mouvance. Certains centres ont vu une ou des machines ne pas fonctionner ou fonctionner et s'arrêter après. Les électeurs, certains bien n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes et ont été obligés de rentrer. Il y avait installation des appareils de vote avec un grand retard. On ne savait pas si on devrait faire le vote aujourd'hui ou pas. Il y a la léthargie des votes, c'est-à-dire les appareils ne sont pas maîtrisés par les utilisateurs. Donc il y a un défaut et qui a créé l'engouement des gens qui ne sortent pas lors des élections. Il y a d'autres machines qui sont en panne. C'est-à-dire si ça imprime 3 ou 4 personnes, ça tombe en panne. On ne sait pas si c'est des usagers ou c'est des machine neuve. Aspect sécuritaire, la police était déployée dans tous les centres et les électeurs, pour leur part, ont semblé être calmes. Les électeurs vivant au Burundi étaient estimés à plus ou moins 70 000, mais seulement 10 000 d'entre eux pourront voter, étant donné que les autres se sont retrouvés bloqués au poste frontalier de Gatumba le mercredi matin, la douane ayant été fermée la nuit du mardi. Parmi eux, s'est retrouvé même 2 ou 3 candidats députés qui vivent au Burundi et qui n'ont pas eu la chance de venir voter et pour eux-mêmes et pour les autres. L'ambassadeur de la RDC au Burundi a tenté, selon les informations obtenues, mais l'ouverture de la frontière n'a pas été obtenue. La fermeture des bureaux de vote est prévue pour 17h, c'est mercredi, mais avec une possibilité de poursuivre les élections jeudi et vendredi pour les centres centres qui ont connu des problèmes selon ce qui est prévu. Les observateurs ici des confessions religieuses ont été aperçus partout comme c'est de la Senko avec l'église du Christ au Congo ensemble, d'autres organisations nationales ou locales, mais des observateurs internationaux n'ont pas encore été aperçus dans un quelconque centre d'élection en province du Sud-Kivu, particulièrement dans la ville et territoire d'Uvira. Depuis Uvira, Jérémy Kouhima pour Radio-Télévision Isanganiro. Merci Jérémy. Vous saurez que pour ces élections générales de ce mercredi en République démocratique du Congo, les 44 millions d'électeurs appelés aux urnes éliront non seulement le président de la devaient élire non seulement le président de la République, mais aussi les députés nationaux et provinciaux. Les Congolais participent aussi à des communales partielles. C'est une première. Autre première, des Congolais de la diaspora doivent voter dans 5 pays. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est candidat à sa succession pour la présidentielle. 18 candidats lui font face, dont les opposants Moïse Katumbi, Martin Fayulu ou le docteur Denis Mukwege. Parle, rassure-moi. Dans cette chronique, le septuagénaire Adolphe nous... Dans cette chronique, le septuagénaire Adolphe nous dit que parler, proférer des messages de haine en présence des enfants risque de provoquer des violences cycliques. Mireille Kanyang. Les discours haineux, déshumanisants, sont utilisés au Burundi. Ce qui est regrettable, dit Adolphe Nibacharira, ce septuagénaire, c'est que ces mots peuvent être lancés en présence des enfants. Il y a beaucoup de messages utilisés, mais ceux qui les prononcent ne pensent pas à la portée de leur discours. Quelle importance pour moi? Des fois, l'on évoque de tels mots et salir sa personne parce que tous ceux avec qui vous êtes ne partagent pas nécessairement vos opinions. Ces messages existent et sont mauvais. Par exemple, un enfant demande à ses parents qui sont ces personnes et le parent lui dit ce sont ces personnes-là de telle ethnie, ceux qui nous ont tués. Et là, il empoisonne en quelque sorte cet enfant. Seuls les intérêts guident ceux qui tiennent ces discours, affirme-t-il. Ils ne prennent même pas le temps de penser aux réactions des récepteurs de ces messages. Ce que visent ces gens, ce sont leurs intérêts. S'il veut étancher sa soif, il vient, il raconte des histoires divisant la population et il ignore que tu n'aimes pas ça. S'il vise les élections, espérant ta voix, au lieu de te parler de ses projets, il tire sur la corde ethnique par ses mots haineux et tu peux connaître le genre de personne. Ceci, poursuit cet élu collinaire, ancien administrateur communal, a des conséquences néfastes dans la communauté et sur le pays. Si un tel discours continue, les conséquences sont néfastes. Je t'ai dit que l'on récolte ce qu'on a semé. Si nous continuons à les utiliser en présence de nos enfants, ils grandiront avec ces mots en tête et ils peuvent blesser moralement d'autres enfants n'ayant pas le même groupe. Il peut être blessé dès le bas âge et s'il grandit, il peut les détester et provoquer des cercles vicieux de violence et le pays en souffre. Adolphe Nibacharira conseille différents groupes à servir d'exemple, dialoguer et se réconcilier en mettant au centre ce qui les rapproche davantage. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.